Nous savons un truc. Mais non, la situation est telle que nous-mêmes, n'est-ce pas nous, les chrétiens, nous sommes toujours de nouveau vis-à-vis de l'énigme de ces affirmations. Et nous avons à nous battre contre, je ne dirais pas contre l'obscurité, mais contre le mystère, parce qu'après tout, c'est Dieu qui nous parle par le moyen de ses témoins, et de ses affirmations, et nous voilà comme devant le mur. Et la grande tâche, la substance de la tâche de cette bonne apologie dont nous venons de parler, la substance est de s'occuper de nouveau soi-même de ses affirmations, de se trouver dans ce combat, dans cette lutte qui est bien rassemble bien à cette lutte de Jacob avec Dieu, et où l'on sort de cette lutte l'ange dérangé, oui. Eh bien, des gens avec les hanches dérangées dans cette lutte, ceux-là sont les bons apologues. Parce qu'ils savent, ils connaissent la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et les autres ne savent probablement pas. Pour eux, c'est tout simple, n'est-ce pas? Ils ont quelques idées, bien, on parle de Dieu, on parle, et puis maintenant il y a aussi la chrétienté avec sa Bible, etc. Puis ils croient, c'est tout simple, peut-être on comprend, peut-être on ne comprend pas, on choisit, comme dans un catalogue, on trouve ceci, c'est beau, ceci est moins beau. Mais qui connaît la gravité du mystère de Dieu qui nous rencontre dans la Bible, et qui peut expliquer la Bible et faire de la théologie que celui qui entre dans cette lutte et qui donc se trouve soi-même le premier objet de cette apologie, parce que nous tous nous avons besoin toujours de nouveau de nous rendre compte de cet espoir qui est en nous. Nous l'avons, oui, nous l'avons. Mais les dons du Saint-Esprit sont quelque chose qu'on a seulement en luttant, en priant, en pensant, en travaillant, en action. C'est ça. Et maintenant, entrer dans cette action, alors on sera un bon apologète aussi vis-à-vis des autres, parce qu'on les comprendra et ils nous comprennent. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce sont les théologiens sur leur affaire, qui de haut de la chair, n'est-ce pas, annoncent ces grandes affirmations bibliques, ils sont là, n'est-ce pas, maintenant. Pardon des péchés, espoir éternel, Jésus-Christ, et puis ça coule de nos lèvres, n'est-ce pas, comme un fleuve, n'est-ce pas, on l'a souvent répété et dit, et pourtant nous trouvons dans la Bible, c'est bien sûr, c'est, disons-le encore une fois, haute voix, et puis tout le problème de la rhétorique entre, n'est-ce pas, et c'est ce qui rend le monde méfiant vis-à-vis de nous. Cette sûreté, cette manque de respect vis-à-vis de ce dont nous parlons.